faux, tout ce qu'ils veulent d'envie c'est que je sois le même. Leur son envie c'est que leur loi même m'amène à la chevalène. Enchaîne leur foi mais j'élève la voix, je me lève la croix. Faudrait pas me prendre pour une baleine, mais pas pour autant de porterai de la reine. Tant de filles qui m'ont fait de la peine, je me tasserai de la reine. Vous classerai mon haleine comme preuve de mes méfaits quand je me casserai de la scène. Et mes épreuves si je les fais comme des étapes, si je me passerai de la fin. C'est mes essais et mes déraps amènent à l'effet désirable, des syllabes de mes rap. Inestimable, il fait que j'échappe à la trappe d'être esclave de mes âges. J'ai tout run les d'exclaves, tout stage, plus notre extase, mon village, je mettrai à bord. Quel est ton suffrage, je me mets à l'ouvrage, je me mets à fort. Je prête à mort, respecte les prophètes, mais je ressors à leur tête à mort. Bon, demi-tour, je maintiens la bord. De mon navire, c'est échavir de l'autre bord. Alors d'accord, la vie qu'on va me ravir est tout putain d'abord. Suis les traces de grâce, afin de voir la fontaine de ceux qui fait ça coup de masse dans masse. Pour qu'elle comprenne qu'on traîne un poids énorme de normes qui m'endorme, me transforme en bête avec une corne sur la tête. Attention, je vais charger avec l'intention de varger. Fais-toi un pas pour ta pension, on va s'en charger. À quelque part, j'ai ta peur, ta peine, ta mèche, mais je suis pas dégoûté par le goût des croûtes à manger. Ça pue de bout quand je t'ai mangé. Fait que je reste nu dans le but dérangé. Les têtes du tout le temps dimanche. On me dit où marcher pour mal étarger. Mais comme par magie, l'esprit va élargir nos des esprits d'allergie. C'est un par jour de l'âme que tu peux écouter ses intuitions. Je t'assure que c'est ce qui relance la puissance de tes ambitions. On te mange en cuisson parce qu'on représente les renards du nord et les regards de mort d'impuissants. D'avancer. J'ai beau m'apporter de quoi de senser, mes mots auront jamais la portée de ma pensée. Même s'il faut prêcher, je veux plus avancer, y'a rien pour m'empêcher d'avancer. J'ai beau m'apporter de quoi de senser, mes mots auront jamais la portée de ma pensée. On voudrait se rejoindre sans avoir besoin de se rapprocher. On voudrait se plaindre sans avoir rien à se reprocher. On voudrait s'envoyer chier parce que plus de papier pour se torcher. On sait plus sur qui se fier parce qu'on a les corps écorchés. J'sais pas quel score c'est, mais c'est corsé. J'sais plus non plus après quoi on court, mais d'après moi son sourd. Parce que s'il y avait quelqu'un pour écouter, on parlerait pas du seul. S'il y avait quelqu'un pour les couper, les wacks fermeraient leur gueule. Ce qu'ils veulent, c'est des ondes plus espacées. Mais les heures sont longues, pis y'en a pas assez. En plus, y aura toujours bien juste de l'ombre dans le passé. Fait que laissez passer, blessé, cassé, j'te pêche les points de mes hippies, les barres de mes dés. Car j'ai aussi un avis, et si vous permettez, c'est tout de suite que j'commence. J'dicte dans mes croyances, j'applique, pis j'm'applique, qu'est-ce qu'on quitte la romance. De l'homme sans mettre son port vocal, de norme sans l'être, artiste dans des storpies, j'm'empêtre. Si j'm'aime moins fréquenté, j'vais sans Dieu, et mon destin m'a pu se présenter. Et si j'me sens vieux, j'ai putain plaisanté. Ce que j'veux, c'est d'être le seul chef de mon fief. Même prêt à partir en martyr, personne sans flèche. Pour me départir de mon stress, c'est que je campeste. Jamais ils vont me dresser, j'vais passer dans brèche. De laisser ma gêne et de laisser mes chaînes en vitesse. Car j'ai que le temps prêt. J'manque de tendresse sous que la vie pas chère. J'digresse pour vivre en parenthèse. Sans pas ta détresse, tu subiras, se pète en affraie. Je survive en partant de ma thèse. Si t'en marques un martyr, qu'est-ce sans prothèse. J'la quitterai à quitter paradise, même estimé sans cortège. Si on m'enterre sur ma tombe, escrivez ce commentaire en mortaise. Des mots d'orfèvre que maintenant seul est mortaise. Dans le fond, j'étais loin d'être parfait. En fait, je sais que j'étais presque rien à part vrai. Même si vous prêchez ce que plus avancer, y'a rien pour m'empêcher d'avancer. J'ai beau apporter de quoi de sensé, mes mots auront jamais la portée de ma pensée. Même si vous prêchez ce que plus avancer, y'a rien pour m'empêcher d'avancer. J'ai beau apporter de quoi de sensé, mes mots auront jamais la portée de ma pensée.